Pourquoi Attila ne fut pas le fléau de Dieu ? Les Huns étaient des nomades, sans doute originaires de l'actuel Kazakhstan. Ils se sont progressivement déplacés vers l'ouest, peut-être pour des raisons climatiques, au IVe siècle après Jésus-Christ. Les nombreuses batailles qu'ils livrèrent aux Vandales, aux Visigoths ou aux Goths contraignirent ces derniers à fuir vers Rome, ce qui contribua à déstabiliser l'Empire romain. Attila, qui régna de 434 à 453, lança une offensive contre la Gaule romaine en 451, au cours de laquelle ses troupes ravagèrent l'est de la France actuelle. L'année suivante, il mena une nouvelle campagne en Italie, mais, arrivé aux portes de Rome, il accepta d'épargner la ville. Bien qu'il n'ait pas été plus sanguinaire que beaucoup d'autres chefs de tribus de cette époque, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi il est resté dans notre mémoire collective comme l'archétype du guerrier barbare. La première tient au fait que les Huns ne connaissaient pas l'écriture. Leur histoire a donc été racontée par leurs ennemis, qui écrivaient en grec et en latin. La campagne menée par Attila contre la Gaule romaine joua sans doute un rôle essentiel dans les récits des clercs qui sont parvenus jusqu'à nous. C'est au VIIe siècle qu'est né, semble-t-il, le qualificatif de « fléau de Dieu ». Au cours des siècles suivants, les auteurs chrétiens attribuèrent à Attila un nombre croissant de crimes imaginaires, ce qui leur permit d'augmenter le nombre de leurs martyrs et de valoriser le rôle des évêques qui s'étaient opposés à lui. La Troisième République se contenta de laïciser ces stéréotypes. Jusque dans les années 1960, les manuels scolaires ont transmis à tous les petits Français cette image négative d'Attila. Je me souviens que mon instituteur nous le décrivait, image à l'appui, comme un barbare à moitié nu, galopant sur sa monture en s'exclamant « Là où passe mon cheval, l'herbe ne repousse pas !» Les peintres, les musiciens, les écrivains ont conforté dans leurs œuvres ce genre de représentation. Puis, Attila a été utilisé dans le combat politique que les démocrates menaient contre les dictateurs. Victor Hugo compara Napoléon à Attila, et son image repoussante fut ensuite mobilisée par les politiciens français pour dénoncer les barbares allemands, comme Guillaume II ou Hitler. Il faut toutefois rappeler que des versions beaucoup plus positives d'Attila se sont imposées dans les régions où la culture orale des Huns s'est transmise de génération en génération. Dans les poèmes chantés qui ont alimenté les légendes nordiques et germaniques, comme la chanson des Nibelungen, Attila apparaît souvent comme un héros tolérant, généreux et chevaleresque. Au Xe siècle, lorsque les Hongrois, autres nomades venus de l'Est, ont mené des razzias en Europe, les chrétiens les ont immédiatement dénoncés comme des nouveaux Huns. Tant et si bien que lorsqu'ils ont commencé à écrire leur propre histoire, les Hongrois ont retourné le stigmate, comme on dit en sociologie, pour se présenter comme les descendants d'Attila. C'est cette filiation qu'entretient aujourd'hui Viktor Orbán, le premier ministre de Hongrie. Nouvel exemple des difficultés auxquelles se heurtent celles et ceux qui espèrent construire un jour une mémoire collective européenne.